Action. Voici sur le plateau de... Aujourd'hui, je reçois du monde. Aujourd'hui, nous allons accueillir un certain Arthur qui est marin. Bonjour Arthur. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Alors, vous voyagez beaucoup comme vous êtes marin ? Pas trop, je pêche plus de poissons que de marins. Et donc, vous avez une famille ? Bah oui. Et vous voyez souvent votre famille ou vous êtes plutôt à l'écart quand vous pêchez Je vois souvent ma famille parce que je travaille que le lundi et le mardi. Et donc c'est comme ça que vous gagnez votre vie? Bah toutes les semaines je fais ça, donc oui. Et donc vous le vendez sur le marché ou un commerce Un petit magasin tout seul, comme ça. Genre un petit carrefour? Non, pas un carrefour, un petit magasin de poissons. Ah oui, spécialisé dans le poisson. Et donc, ils vous payent assez pour que vous deviez travailler que le lundi et le mardi? Oh oui, j'ai beaucoup de clients parce que je pêche pas que des poissons. Des fois, j'ai des autres trucs, des écrevisses, des trucs dangereux. Ah oui, très, d'accord. Très bon. Et vous, du coup, vous êtes obligé de vivre en bord de mer ou vous prenez la voiture et vous allez jusqu'à votre port? Je vis au bord de mer, oui. D'accord. Et donc, vous emmenez vos enfants faire des tours en bateau pour pêcher? Pas souvent, parce que des fois, ils m'agacent. Aussi, vous les voyez beaucoup. Mais bon, après, il y a certains pères qui aiment emmener leurs enfants voir leur métier. Mais bon, et vous aimez... c'est une passion ou juste un métier? Bon, c'est ma passion. J'aime bien être au-dessus de la mer, pêcher des trucs. C'est rigolo. Et vous croisez d'autres bateaux sur vos chemins? Bon, les seuls que je croise, ils savent pas bien pêcher. Ah oui, du coup, vous dites que c'est vous qui prenez? Bon, en fait, ils passent, mais il y a déjà plus, les poissons, ils sont allés dormir, il y a bien loin. Et donc le matin, vous vous levez et vous sortez de chez vous, vous faites 2-3 pas et vous êtes sur le port. Bah, j'habite pas tout près du port, je suis juste à côté d'une plage. Hein, donc vous devez prendre la voiture pour aller au port. Oui, parce que les seules maisons vers le port étaient déjà toutes achetées. Eh bien, monsieur Arthur, c'était très gentil à vous d'être venu sur le plateau, donc à bientôt et au revoir. C'était Arthur, le marin. Sur le plateau de Aujourd'hui je reçois du monde. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, j'ai de la plaisance. C'est le pied dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord. Eh bien, encore un jour de plus, bienvenue à Aujourd'hui, je reçois du monde. Et aujourd'hui, je reçois Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, que faites-vous dans la vie? Je suis cavalière. Cavalière parce que vous chevauchez des chevaux ? Oui, effectivement. D'accord, et ça c'est votre métier donc ? Oui, je vis de ça. D'accord, et c'est un métier de chevaucher des chevaux ? Oui, car d'accord. Je fais beaucoup de concours. Oui. Ah, d'accord. Et on gagne de l'argent en faisant des concours de chevaux, en chevauchant des chevaux ? Oui, si on gagne. D'accord. Et vous, vous gagnez ? Oui, pas mal de fois parce que je m'entraîne 20 heures par semaine. Et donc, vous avez beaucoup d'argent ? J'en ai pas énormément, mais je vis tout à fait bien. D'accord, j'aurais pas pensé qu'on pouvait gagner sa vie en chevauchant des chevaux, vous voyez. Sinon, donc, vous avez beaucoup de chevaux ? Oui et non. Pour certains, 20 chevaux. C'est oui ou c'est non ? Pour certains, 20 chevaux, c'est beaucoup. Et pour d'autres, c'est vous en avez 20 ? Oui. D'accord. Ils habitent tous chez vous ? Non, j'ai une écurie un peu plus loin. D'accord. Et qu'est-ce que... Alors, vous les montez tous les 20, tous les jours ? Non. J'ai 20 heures par semaine. Donc, je fais une heure avec chaque chevaux. Et comme j'ai des concours à peu près tous les week-ends, eh bien, j'en prends un une fois et l'autre fois, ce sera un autre. D'accord. Puis vous allez jusqu'à vos concours à cheval ? Non, j'ai un van. Un van pour les chevaux ? Oui. D'accord. Et donc, comment ça se passe, un concours ? Racontez-nous un petit peu. Eh bien, on arrive sur place et on a des espèces de petits box où on peut sceller nos chevaux, les brosser tranquillement, qu'ils se reposent jusqu'à quand c'est à notre tour. Et deux tours, enfin, il y a deux personnes qui passent avant nous. Donc, on prend nos chevaux et on commence à les amener vers la piste. Et après, ben, on rentre sur le terrain et on fait les parcours. Et puis, vous êtes beaucoup à courir en même temps ? Non, par concours, ça dépend. C'est entre 15, 20 coureurs. Je voudrais revenir sur une question importante. Donc, vous chevauchez des chevaux 20 heures par jour ? Oui. D'accord. Et avec non, 20 heures par semaine. Par semaine, pardon, oui. Et avec ça, donc ça, c'est un plein temps pour vous ? Oui, c'est ma passion, mon métier, voilà. Bah, c'est plutôt un beau métier à 20 heures par semaine, moi, je trouve. Oui. Bon, bah, c'est bien. Alors, écoutez, je crois qu'on va arrêter là l'émission parce que moi, je vais arrêter animateur radio parce que animateur radio, moi, je gagne pas ma vie avec ça. Alors, si ça vous ennuie pas, je vais venir avec vous, puis on va monter des chevaux et puis je vais essayer de gagner ma vie comme ça. Merci. Nous avons reçu Laura dans Je reçois du monde et votre serviteur, il va arrêter ça et il va commencer à être chevaucheur de chevaux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir. Oui, on y va. Alors bonjour, aujourd'hui dans Je reçois quelqu'un, je reçois Oscar. Bonjour Oscar. Bonjour. Que faites-vous dans la vie ? Foot. Vous faites du foot ? Vous êtes footballeur professionnel ? Oui. Et vous jouez dans quel club ? Lyon. Carrément. Vous jouez avec qui ? Vous avez des copains ? Oui. Comment s'appelle-t-il ? Marius, Aubin, Achille. Et ils jouent tous à Lyon ? Non. D'accord. Et comment se passent vos journées ? Moi, je joue avec mon chien. Je dors beaucoup et après, je vais jouer tout de suite au foot. Tout de suite, après avoir joué avec votre chien ? Oui. Et vous jouez combien de temps ? Bah... 5 heures. Et j'ai entendu dire que les footballeurs avaient beaucoup de chaussures à crampons. Vous avez beaucoup de chaussures à crampons ? Deux. Deux ? Et pourquoi deux ? Parce que j'en ai pas besoin 36 000. D'accord, mais pourquoi vous en avez besoin de deux ? Et pas une seule paire ? Ah, vous avez une paire de chaussures ? Oui. D'accord, donc deux chaussures. Mmh. Je sais pas quoi te demander de plus. Et qu'est-ce que vous pensez faire Vous voulez rester à Lyon pendant toute votre carrière ou vous voulez changer? Quel est votre but? Mon but après, c'est de... je vais rester toute ma carrière à Lyon. D'accord. Et est-ce que vous voulez jouer à la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques? Je sais pas, moi. Non. Non? Ça vous embête, ça? Oui. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons reçu Oscar dans Aujourd'hui, je reçois du monde. Dans Je reçois du monde, je vais aujourd'hui recevoir un intermittent du spectacle. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Rodolphe. Et votre prénom? Non, c'est mon prénom, Rodolphe. Ah, d'accord. Je préfère pas donner mon nom de famille si ça vous ennuie pas. Oh non, non, ça ne vous ennuie pas. Alors bonjour Monsieur Rodolphe, vous êtes intermittent du spectacle. Oui, tout à fait, je fais dans le théâtre et dans la musique un petit peu aussi, et puis je travaille des fois et des fois je travaille pas. Oui, et donc vous avez déjà joué dans de grandes pièces? Non, pour l'instant, j'ai fait que des petites pièces dans des petits théâtres de petites villes comme Bourg-en-Bresse ou Oyonnax ou Thoirette. Thoirette? Ah oui. Oui, j'ai joué au théâtre de Thoirette. Oui, je ne vois pas du tout où se situe Thoirette. Oui, mais c'est une petite ville sur le bord de l'Ain, qui est une rivière qui se jette dans le Rhône. Et puis voilà, et j'ai joué là-bas. Très bien. Et... vous avez déjà participé à d'autres émissions radio? Alors non, c'est la première fois, parce que bon, d'habitude, quand je joue au théâtre, en fait, j'ai même pas beaucoup de textes, parce que les directeurs, ils disent qu'ils aiment pas trop la voix que j'ai. Alors, ils me donnent que des rôles où je suis un peu derrière, et puis on m'entend pas, et puis voilà, alors on m'a jamais encore invité, je vous remercie de m'avoir invité à la radio. Du coup, j'ai plein de choses à dire, parce que voilà, d'habitude, je dois fermer ma gueule et rester dans un coin. Alors là, j'aimerais bien pouvoir dire des choses. Alors, puisque vous m'invitez, moi, j'en profite, hein, je dis des choses et des choses et des choses, et puis quand j'aurai fini de dire des choses, et ben voilà. Alors, très bien, merci monsieur. De rien, vous voulez que je dise encore des choses? Oui, si vous, ça vous fait plaisir. Oui, non, mais parce que bon, des fois, nous, les intermittents du spectacle, on ne nous laisse pas dire les choses qu'on aimerait dire. Alors bon, moi, du coup, j'aimerais bien pouvoir dire les choses qu'on ne me laisse pas dire ailleurs. Alors, puisque vous me donnez l'occasion de venir les dire ici à la radio, alors j'aimerais bien que ce soit clair que je ne vais pas me taire. Non, monsieur, non, je ne vais pas me taire, même si vous n'aimez pas ma voix, je vais dire les choses que je suis venu dire. Voilà, merci de m'avoir laissé dire ces choses-là. De rien, il n'y a pas de problème, monsieur Rodolphe. Bon, eh bien, merci à tous ceux qui nous écoutent et merci beaucoup à Rodolphe. J'espère que vous avez bien compris son message qu'il avait très envie de faire passer. Donc, à bientôt sur de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. aujourd'hui, dans Nous recevons quelqu'un, je reçois un dentiste. Comment vous appelez-vous ? Martha Gomez. Bien, Martha, vous êtes dentiste, vous exercez où ? J'exerce vers Bourg-en-Bresse. Et quelles sont les choses les plus bizarres que vous ayez eues dans votre cabinet ? Les choses les plus bizarres, c'est une dent qui devait pousser en bas et qui a fini par sortir en haut. D'accord. Donc, et comment savez-vous qu'elle devait être en bas ? Parce que le garçon avait déjà perdu sa dent, toutes ses dents définitives, et il lui en restait une. Elle est enfin tombée et elle n'a plus repoussé pendant un long moment et elle a fini par sortir en haut. D'accord, et qu'est-ce que vous avez fait ? On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est une hypothèse que c'est la dent du bas qui est sortie en haut. D'accord, et est-ce que vous avez pu faire quelque chose pour lui ? On est encore sur l'affaire, mais on ne sait pas encore ce qu'on peut faire pour l'aider. Mais ça ne lui fait pas mal, ça ne le gêne pas pour manger, c'est juste qu'il lui reste une dent, enfin il lui manque une dent en bas. D'accord. Et tout le monde dit que les dentistes, ça fait mal. Est-ce que vous êtes d'accord ? On peut faire mal si on s'y prend mal, mais sinon c'est très rare qu'on fasse mal à des gens. Même en leur arrachant les dents, ça fait pas vraiment mal en fait. On a une petite sensation comme si, je sais pas moi, on vous arrachait un petit cheveu. Enfin, un cheveu, mais ça fait même moins mal que ça. Et moi, j'avais une dernière question. Vos instruments font un bruit très désagréable. Comment faites-vous pour travailler toute la journée avec ce bruit dans les oreilles ? C'est de l'habitude, je sais pas. En fait, tellement que j'ai l'habitude, je les entends presque plus. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons reçu un dentiste dont aujourd'hui, je reçois quelqu'un. Let's do this. I'm having brushing with my toothbrush, brushing every day. I'm having brushing with my toothbrush. This how I fight decay. Gonna sparkle. How proud I will be every time I want to smile. My teeth will shine for me. Always brush your teeth every single day. Keep those cavities away. Use your brush and paste just the way you should. Keep your smile looking good. I've been brushing with my toothbrush, brushing every day. I've been brushing with my toothbrush. It's how I fight decay. Gonna sparkle. How proud I will be every time I want to smile. My teeth will shine for me. Always brush your teeth every single day. Keep those cavities away. Use your brush and paste just the way you should. Keep your smile looking good. Aujourd'hui, je reçois Stanislas. C'est Stanislas, mon nom. Qui est banquier. Tout à fait. Alors, comment elle est organisée et ta journée ? Alors, c'est très simple. Moi, je me lève le matin, un petit café, pas trop serré, pas trop léger, pas de sucre, surtout pas de sucre et pas de crème, c'est pas bon. Ensuite, je vais faire un petit footing, je mange 3 tartines, après quand je rentre du footing, et ensuite je monte sur mon vélo et je vais jusqu'à l'arrêt de train le plus proche. Je fais à peu près une demi-heure de train pour arriver à ma banque, et ensuite, après, je commence à travailler dans ma banque, et toute la journée, je vends et j'achète des choses. Et ton chef, il est gentil? Alors, si tu veux, moi, je suis... oui, le chef, il est gentil, mais j'aimerais bien prendre sa place. Alors, je fais semblant que je l'aime bien, mais dans le fond, je l'aime pas du tout. Et puis, il y a quelqu'un que tu détestes dans ton boulot? Bah oui, mon chef. Que ton chef? Bah oui, parce que j'aimerais bien prendre sa place. Alors bon, ça m'arrangerait bien s'il se faisait virer. Dont tes collègues? Alors mes collègues, c'est simple, c'est chacun pour soi. Voilà, alors moi je dois faire de l'argent, et si je fais plus d'argent que mon collègue, je serai plus mieux vu que mon collègue, et je gagnerai encore plus d'argent, et je pourrai un jour être chef à la place de mon chef. Alors voilà, et les collègues, ils pensent pareil. Ils veulent faire plus d'argent que moi pour pouvoir prendre la place du chef. Et puis ça se passe bien? Alors du coup, pour être tout à fait honnête, c'est un tout petit peu tendu. Mais ça va. Alors bon, après à 10h, on fait une petite pause, on boit un café ensemble, on fait semblant d'être copains et on se raconte des blagues. Et puis après, on retourne faire de l'argent, et puis à celui qui fait le plus d'argent, et voilà. Mais du coup, c'est un tout petit peu tendu, je te l'avoue. Et les clients, ils sont gentils des fois ou pas? Alors, les clients, ça dépend. Si les clients, ils me permettent de faire de l'argent, je le trouve gentil. S'il ne me permet pas de faire de l'argent parce qu'il est pauvre et parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent lui-même, du coup, il ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, je suis un petit peu sympa. Je lui dis « Ok, je t'ouvre un compte si tu veux. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est les clients riches surtout. Ah, et les clients riches, ils sont souvent très sympas ou pas? Alors, je ne sais pas s'ils sont sympas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient de l'argent, tu vois. C'est un petit peu vrai. T'as envie de gagner de l'argent? Oui, c'est mon but dans la vie. Sinon, tu peux pas manger. Ah, c'est pas seulement pour manger, c'est pour acheter plein de trucs qui me rapportent aussi de l'argent. Et puis voilà, je pourrai avoir une meilleure voiture que le voisin. Et ça se passe bien la journée? Sinon, le reste de la journée? Alors après, je vais manger à midi. Alors on va manger une petite salade parce qu'il faut manger équilibré. Mais c'est vite fait, hein, une petite demi-heure, pas plus. Après, je retourne au travail. Donc ça devient un petit peu énervant au bout d'un moment ou pas? Qu'est-ce qui devient énervant? De manger aussi peu. Ah, mais ça va très bien, je mange une salade vite fait sur le pouce. Et puis après, on retourne au travail. Et puis on travaille toute l'après-midi. Et puis après, quand j'ai fini vers 5h, je vais à la salle de sport. Et je vais faire du sport, beaucoup de sport, et puis boire des boissons énergisantes un petit peu, parce qu'il faut de l'énergie. Et après je rentre à la maison, et là je regarde Bloomberg TV, et après je vais me coucher, et puis ça recommence. Ça se passe bien le sport? Le sport, je suis tout seul sur mon tapis de marche, et je marche, et je regarde les cours de la bourse sur ma tablette pendant que je marche. Bon, ça devrait être bien. Oui, c'est super. Bon, ça se passe pas si mal la journée. Ben oui, ça dépend. Si je fais de l'argent, c'est une bonne journée. Si je fais pas de l'argent, c'est pas une bonne journée. Ah. We'll be right back. tu non, le bouton rond 11-12 là, piste 11-12. Bonjour, je me souviens pas comment il s'appelle. Eh bien bonjour, aujourd'hui dans Je reçois quelqu'un, je reçois un artiste peintre qui fait de la peinture. Comment t'appelles-tu ? Oscar Gomez. Et que fais-tu ? Des tableaux. Des tableaux comment ? Avec des spirales. Avec des spirales et de toutes les couleurs ? Oui. Il faut développer un peu tes réponses. Foot, vous êtes professionnel du football? Non. Ah bon, et donc vous, c'est comment? Football. Alors, on va recommencer et... C'est la banane, banane, banane, banane, banane, banane, banane, banane, banane. Tous les belles comme la papaya. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Marcel qui est bûcheron. Bonjour. Ah oui, non. D'accord, donc vous êtes souvent en vacances. Ah bah oui. Et donc, poursuivons. Ça vous plaît pas mon métier ? Si, c'est très passionnant. Hello, papagena. Tous les belles comme la papaya. Non, laisse tomber. Je crois que je suis fatigué.